Ma femme, comme bonne italienne, ne demande pas de questions. Région natale, on le confond avec son chien Gaston, alors qu'à Québec, on le confond avec un ultra-gauchiste. Mais ici, on ne le confond pas, c'est bien votre animateur. Voici Jean-Philippe Baudier. Hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h. La soirée est encore jeune. Si vous nous donnez amplement le temps de nous remettre, et puis ça, c'est pas facile, hein? De la faillite du Sélection Reader's Digest. Eh, hey, boy. Bonsoir tout le monde. Fred, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Oh, mon Dieu. T'es un petit être triste, ça, Fred? Ben, j'étais un grand lecteur de bol de toilette. Hein. C'était un deuil à faire. Moi, j'aimais laisser mes matières à réflexion. Oui, hein. Oui. Ouais. Vous allez en trouver d'autres, des choses à lire sur la bol de toilette? Ah oui? Hey, le Journal de Montréal est publié tous les jours, Fred. Ben ouais, ben... Tous les jours? Je sors de là avec les doigts sales, avec ça. Ben voyons donc, utiliser du papier de toilette. Ben là, franchement, ah, c'est ça que je fais, là. Mais non, mais pour le journal, je parle. Ah! Franchement. Moi, je lis mon Journal de Montréal avec du double épaisseur. Non, non, mais c'est, ça, je me sens moins sale après. Mais c'est moi, mais bon. Parlant numéro 2, tout le monde, il y a Michael Applebaum, l'ancien numéro 2 de la ville de Montréal, qui a eu de la visite cette semaine, hein, à l'hôtel de ville. 125 ouais. policiers, une grosse perquisition. Ouais, d'ailleurs, il y a Richard Martineau qui fait demander si on finalement arrêté Luc Ferrandez, là, le grand timonier ouais, du plateau. Non, mais c'était pas pour ça que la visite. Non, c'était pas pour ça. Il cherche en fait des documents de 2004 qui prouveraient en fait du financement illégal pour le parti de Gérald Tremblay. Des documents de 2004? 2004, mesdames et messieurs. D'après moi, les documents sont pâchés à la déchiqueteuse et même la déchiqueteuse a été déchiquetée. Ouais, ça, sont toutes pâchés là, je pense bien. Mais non, mais moi, je pense que nos élus devraient prendre exemple sur les Siciliens. Hein? Ouais. Non, mais hey, des parties de cartes avec le parrain de la mafia, des bas remplis de billets, c'est bien plus discret, me semble. Ouais, sauf qu'en été, tu peux juste jouer aux cartes, par exemple. Ah, à cause des sandales. Ben oui, c'est ça. Puis t'as annoncé qu'il y a 25 cents en dessous du pied. Ouais, ouais. Hey, c'est pas le fun. Non, mais il y a une autre façon d'être discret, on l'a appris, c'est l'ingénieur Michel Lalonde qui nous l'a dit. Cette façon-là, en fait, c'est de donner 2 000 $ pour déjeuner avec Lynn Beauchamp au 357C. 2 000 $ pour déjeuner? 2 000. Hey, ça mange pas des cornflakes, ce monde-là? Non, sont spécialement givrés, ça, ces céréales-là. En plus, elle est en pleine peine d'amour. Hey, imaginez, c'est en forme. Ouais, ouais. Hey, bacon, saucisse, toi, ça aurait été 4 000 $. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on mange moins quand on se fait domper, là. Hein? Ça, regarde, ça, c'est ça vrai. Coupe, hein? La... c'est... Non, mais c'est pour ça. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de peine d'amour à l'Assemblée nationale, ça, c'est clair. On l'a vu cette semaine. Hey, c'est l'amour. Tout le monde s'aime! C'est pas naturel de dire ça. L'amour à l'Assemblée nationale, tout le monde s'aime! Je sais pas si vous avez vu ça. Regardez, pendant l'adoption du projet de loi là, pour un registre des armes à feu au Québec, hey, tout le monde était d'accord. Je disais, tous unis dans une même direction, c'était touchant. Moi, tous unis? Tous unis. Vraiment? Tous. Même Jean-Marc Fournel, il a pas accusé le... Jean-Marc Fournel? Ouais, l'intérim, là. À Fournier. Ah oui! Jean-Marie Fournier. Jean-Marc Fournier. Mais il n'a pas accusé le PQ d'improvisation. Non, ah non, bon? non. Ah non. Et puis même François Legault est encore d'accord avec Amir qui a dit deux fois cette semaine, la CAQ se gauchifie, mesdames et messieurs. Ah ouais, elle devient gauche. Non, elle est déjà gauche. Ah! Ah, en tout cas, regarde. Regarde. Toujours dans le domaine de l'amour, il y a le très beau Stéphanie Trudeau qui devra subir une évaluation psychiatrique. C'est qui ça, Stéphanie Trudeau? Ben voyons donc, frère. La matricule de 728. Là, ah! Hey! Oui, son frère, lui, va s'en subir une évaluation. Son frère? Ben ouais, Justin Trudeau. Ah. Non, je pense pas. D'ailleurs, il faut se poser la question. Hein. Comment on décide de subir une évaluation psychiatrique? Ben, je pense que c'est un comité qui... Hein? Ah oui? Il décide ça, ouais. Non, mais la vraie question, c'est quoi? C'est un vote? C'est comme 50 % plus 1 ou c'est 66 % du comité? Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, mais je sais. Parlant de comité, il y a le gouvernement Harper qui en a créé un cette semaine. Hey, tout un, ça s'appelle le Bureau de la liberté de religion. Hey, enfin! Ben, mais, hein. Mais ils en ont mis du temps! Ben oui, tellement. Tellement, Fred. Non, mais j'ai hâte de voir c'est ça. Sincère, hein? Ben oui, mais je sais. C'est écrit, vos affaires, vous, hein? Hein? Non, mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour régler les problèmes d'intolérance religieuse. Il y en a partout dans le monde. Non, c'est un gros mandat. C'est un gros mandat. Puis ils vont commencer modeste. Hein, sont 5 employés. Oh hein, puis le boss, c'est un doyen d'un collège chrétien. Ah, ben je suis pas inquiète. Pas inquiète, ils sont bons dans l'intolérance, eux autres. Les catholiques, ouais. Ils sont assez forts dans l'intolérance, eux autres. Hein. C'est une petite touche, hein? Ouais. Pouf, une inquisition. Ouais. Pouf, des millions de morts, en tout cas. Bon. Parlant d'intolérance, ben on rit bien, là, mais on rit pas dans le fond. On reçoit deux invités qui ne sont pas intolérants. Non. Hein, sont remplis de tolérance. On reçoit tout d'abord Martine Desjardins, qui est la porte-parole de la feuille, présente aussi. Hein? Elle est fine, là, mais moi, j'aime mieux le gars de la C, là. Ah. La gang de la C, j'y trouve comme plus funné. Vraiment? Ouais. Ah, dans le fond, c'est vrai, ils ont le sourire jusqu'au talon. Ah ça. Ouais, ils sont comme toujours crampés. On va bientôt faire un film de Louis de Funès avec Fred, je pense. On est très bon dans mimique, surtout à radio. On reçoit également, comme deuxième invité, Lise Thériault du Parti libéral. Ah, non, non, contente, non, elle sera pas là, finalement. Ben voyons donc. Non, il faut qu'elle vote les crédits budgétaires, il paraît. Ah, ouais. Puis qui c'est qui nous a envoyé à la place? Le futur député de Saint-Tite. Pas Paul Darèche, toujours. Non, MC Gilles. Oh, oh! Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. On va s'amuser, surtout que la soirée est encore jeune, puis ça se remplit. Mon Dieu, que c'est le fun! Bon! Hey, pour les gens de nos auditeurs à la radio, en fait, sachez que ça sent le vieux fond de tonne ici. C'est parce que Fred boit du vieux scotch depuis tantôt. Oui, ben du 25 ans quand même. Bon, bon, c'est le fun. Olivier Niquette, bonsoir. Ben oui, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radiotradio-canada.ca/lasoirée. OK, c'est tout? Ben, à moins que tu veux que je parle de ton chien... Non, c'est bon. OK! Ben oui. Grosse semaine d'actualité, hein? Je sais pas si vous avez vu ça. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler que le 26 février prochain, ça c'est important, là, ce sera la première journée québécoise de la stérilisation. Pas une blague! Non, mais c'est Annick Jean qui va être contente. Quoi? Non, mais j'imagine avoir eu ça pour la 30 ans, une journée de même, les chances auraient été bien bonnes qu'on ne l'ait jamais revue. Hein. Hey, ça, c'est gratuit. C'est chien ouais. Gratis. Ça va voir ma paye. Ah ouais, OK. Il n'y a personne qui rit, Fred. Un malaise. On va du montage. Ben non, mais je pense que les gens aiment Annick Jean, on le savait pas. Regarde, les gens aiment le rock. On apprend. On apprend toutes les semaines. Hey, parlant d'apprendre, on a appris cette semaine que des fonctionnaires fédéraux effectuent des visites surprises maintenant chez des prestataires de l'assurance-emploi pour s'assurer de leur disponibilité. Hey, la mesure en a irrité plus d'un. Et certains se demandent même comment les inspecteurs vont être reçus à l'avenir. C'est une bonne question. Et ça nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors voici 5 personnes sur qui pourraient tomber les inspecteurs de l'assurance emploi. En 5e position, ils pourraient tomber sur les animateurs de Radio X Montréal. Mais en même temps, ils ont encore une job, ces gens-là. Ils n'ont pas d'auditeurs, c'est comme du chômage. Ah, c'est ça. C'est vrai qu'à les écouter, ils cherchent tout le temps quelque chose, hein? Le trouble. Hein? En 4e position, ils pourraient tomber sur Jean-Martin Hossan. Il est pas blogueur chez Urbania, lui? Blogueur chez Urbania? Ouais. Hey, ça, c'est du chômage. Ah ouais. Hein? Je dirais même que c'est peut-être du BS, même ça. Whoop-a-day. En 3e position, Fred Savard! Ah. Vous recevez pas un chèque de chômage en plus de votre chèque de paye à Radio-Canada? Ah, c'est pas la même chose? Ben non, Fred. Ah, je trouvais que c'était pas beaucoup. Ben non, c'est pas la même chose, certain, Fred. En 2e position, les inspecteurs pourraient tomber sur François Rebello! Bon! Enfin! C'est eux autres qui vont le trouver! Ben oui, encore vivant, j'espère. Et en première position, la première personne que les inspecteurs pourraient trouver... Le pape Benoît XVI! Ah non, il a démissionné, là. Il aura pas droit au chômage. Ah, quand tu démissionnes, c'est ça. Ah, il aurait fallu qu'il se fasse mettre dehors par le petit Jésus. Ouais. Ah. Qu'il crise dehors. Ah! Ben, mais il est trop occupé. Mais il est trop, ouais. Il est trop occupé à monter le dossier pour Richard Henry Bain. Hein. Ben oui, c'est son avocat, hein? Ben oui. Ouais. Pourtant, Jésus s'est lui-même présenté à une autre époque. Ça a pas super bien marché. Ben non, hein? Il a perdu, je pense. Hein. Ouais, mais ça l'a rendu populaire, sinon, t'as pas. Regarde, on en parlera. Fred, notre premier invité. Elle a été révélée au grand public pendant l'éveil de la jeunesse étudiante au printemps dernier, mais pourrait elle aussi succomber au grand sommeil sur l'éducation qui se tiendra en fin de semaine. Voici la porte-parole de la FEUC, Martine Desjardins. Bonjour, Martine. Allô. Fred vous trouve très intimidant. Très intimidant. Ben, c'est parce que c'est pour ça qu'il a raté son début. Là. Mais c'est normal. Pourtant, c'est normal. Non, vous êtes déjà venu pourtant. J'aurais pas été intimidé. Ben oui, c'est ça. Ça s'était bien passé. J'ai toujours un sourire en plus. C'est vrai? Ouais. Vous avez, ben un oui. Vrai sourire. Mais vous avez pas votre carré rouge? Non, je n'ai pas mon carré rouge. Comment ça donc? Ben parce que c'est terminé là, cette histoire-là, mais il est pas loin. Ça. Ben c'était ben oui, mais c'était une mode. Là. Tout le monde avait ça. Des boutiques à Montréal avaient leur carré rouge. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Que ça a passé vite. Mais il y en a un peu partout d'ailleurs, mais il est pas loin quand non, même. Non, mais là je suis en train de, je lisais les journaux cette semaine par hasard et mais non, mais j'ai trouvé ça intéressant. Là, ce que je suis en train de comprendre, Martine Desjardins, c'est que vous êtes en train d'essayer de tirer profit de votre situation pour devenir députée du PQ. Oui, tout à fait. Et je trouve ça un petit peu bête ce qui se passe en ce moment. C'est un peu triste. Hein, comme nouvelle. Ouais. Surtout à une semaine du sommet, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que c'est pas vrai? Non. Non, c'est vraiment pas vrai. Mais qui aurait dit ça comme ça? Ben, je sais pas, mais quand l'après-midi, la première ministre se permet d'aller commenter une rumeur, je me dis, il y a quand même quelque chose là. Alors, vous penseriez comme... que c'est le PQ? Ben, je sais pas de qui pas ça Léo? Vient. Pas Léo? toujours. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est inoffensif, ce petit monsieur-là. On se renvoie la balle comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis resté de l'autre côté. Fait que des fois, on s'ennuie puis on se renvoie la balle comme non, ça. Mais pour vrai, là. Non, parce que pour vrai, pas... non, c'est pas du tout. Ben, c'est drôle parce que Léo me disait justement la même chose juste avant d'être député. Fait que ouais, en même temps, c'est très difficile de prendre. C'est correct. Mais tu sais, il y a un sommet lundi, mardi. Je vais être encore président de la FEUG puis je vais l'être. Mais pas pour longtemps. Jusqu'à quand d'ailleurs? Le 30 avril 2013. Je le dis aussi avec un grand sourire. Ouais, c'est ça. Parce que ça va être le fun de passer à d'autres choses. Puis vous savez ce qui est le fun? C'est qu'en mars, le 17 mars, le PLQ va couronner Philippe Couillard. Oui. Et il va avoir des élections par la suite. Il va avoir des... Mais oui, et puis on va avoir besoin de députés. Un plus un, ça fait deux. Ah oui? Je crois qu'avec le PQ, c'est moins deux souvent, mais bon. mais pour vrai. Il y a plein d'autres choses. Ça, c'est même pas une vraie affaire. Ça n'allait même pas devenir député. Hey, si il faut qu'on apprenne que vous vous présentez pour le PQ après... Moi, je pense que ça mérite des excuses publiques. Oui. Bon, on s'entend là-dessus. OK. Fait que j'imagine qu'on... Ben, là, ouais. Vous pouvez vous entendre entre vous, là. Moi, j'ai rien dit, là, tout ce temps. Ben non, mais vous niez. Vous niez. Ben, je nie, effectivement, que j'ai essayé de négocier. C'est quoi qu'on disait? Que je négociais l'indexation. Je suis pas allé jusqu'à lire après le titre, je négociais l'indexation pour une place au PQ. Franchement, là, vraiment, je vais comme mettre la fédération dans l'embarras avec l'indexation pour une place au PQ. Non. Hey, parlant de mettre une association dans l'embarras, le nouveau chef de l'AC, il est pas pire, hein? Comment vous l'aimez, vous? Ben, Jérémy. Bédard, viens. Ouais. Viens. Ah, ben, vous le rencontrez pas souvent? Non, on se parle pas beaucoup. En fait, on se parle pas. Ah! Non. Mais ils parlent pas à beaucoup de monde, ces gens-là. Hein. On va parler du sommet, parce que je pense que c'est un sujet qui est très important. Ça s'en vient. C'est un avant-midi, hein, le sommet, je pense. C'est une journée et demie. Ah, et demie. Puis là, on peut pas voir les guillemets que je fais, mais c'est et demie. Et demie, en guillemets, oui. En guillemets, parce qu'on vous a dit que ça pouvait se rallonger, mais ça n'a pas l'air jusqu'à de pouvoir se rallonger. Jusqu'à une journée trois quarts. Mais c'est parce qu'il y a quand même une manifestation à 2 heures. C'est supposé être fini à midi. Le PQ fait une manifestation? Non. Mais ça a l'air qu'il y a des étudiants qui organisent une manifestation, plusieurs groupes, bref. Plusieurs groupes. Est-ce que vous êtes là-dedans? Okay, bon. On va en parler un peu justement parce que ça a l'air très bien parti ce sommet-là. Vraiment, là, il y a un bon sentiment. Tout le monde a l'air à vouloir participer. Il y a tout un momentum. Oui. On se l'est dit pendant 4 rencontres. Oui, vraiment. Là, on est rendu à passer à l'action maintenant. C'est ça, il y a eu 4 rencontres préparatoires. Là, maintenant, Pierre Duchesne a les 2 mains sur le volant. sobre, quand même. C'était pas une de ces fois-là. Cette fois-ci, c'est ça. Il disait un tricycle à 4 roues l'année dernière. C'est ça. Donc, on est un peu pessimiste face à ce sommet-là qui s'en vient. Quand même assez réaliste, donc je sais pas si c'est pessimiste. Ouais, c'est ça. Mais assez réaliste, quand même, ce qu'on entend. On n'a même pas encore de. On est quoi là? On n'a pas reçu encore le document. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Mais une journée et demie, ça va être une feuille mobile, je pense. Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses. C'est ça, il y a quand même beaucoup de choses. À mon avis, c'est un tweet. C'est un tweet. Ça, financement, gouvernance, contribution, aide financière aux études. On ne sait pas où ça s'en va. On a des thèmes. On a des noms de thèmes. Thème 1, thème 2, thème 3, c'est ça, thème 4. C'est Pierre Duchesne qui va faire ça en poésie, ça, tout c'est ça. Donc, on est un peu. On a hâte de voir, mais en même temps, on reste quand même sur nos gardes. On s'attend à quoi de ce sommet-là? Parce que, bon, vous voulez. Il n'y a personne qui veut la même affaire. Hausse, gratuité, gel, indexation, boycott, modulation. On a parlé de modulation aussi. Votre position, là, ça va être quoi? À la FEUC, on va ressortir de ce sommet-là satisfait comment? Satisfait comment? Avec un gel des droits de scolarité, un conseil des universités. Mais un gel, définition de Pauline Marois, le genre gel indexation? Non, on a déjà eu cette discussion-là. Ah, okay. On a un gel ferme, nous. Un vieux gel. Un ancien gel. Un gel comme dans le temps. Des droits de scolarité. Là. Non, mais ça dépend, parce qu'un gel, ça peut être aussi une indexation, elle le dit, Pauline Marois. Oui, mais c'était pas clair comme ça. Puis franchement, je réécoutais en plus les extraits, puis je me disais, je suis pas sûre qu'on a compris c'était quoi. Donc, nous, on est pas toujours... pas ça de votre prochaine chef, là. Non, mais... Oh, mon Dieu. Non, mais on parle quand même de la première ministre. Fait que je vais rester poli. Je vais quand même dire que nous, on n'a pas du tout la même définition, puis on veut pas rentrer dans un débat sémantique. On a déjà joué là-dedans, là, tu sais, dénonciation, condamnation. Condamnation de la violence, etc., etc. Donc, c'est ça, on est un peu tanné, donc on a décidé gel. Mm-hmm. Conseil des universités, c'est ce qu'on veut. Okay. Parce que oui! On a beau dire que c'est bien transparent, tout ça. Ouais. On sait pas trop ce qu'ils font avec leur mais argent. Attendez un peu, là. Vous voulez gérer les universités à place des gestionnaires des universités. C'est un peu ça que vous proposez. Mais en fait, on n'a pas dit que c'est les étudiants qui allaient gérer. Quoique, s'ils veulent. Mais non, mais vous le demandez. Non, mais je trouve ça intéressant parce que vous le demandez, là, vous, là. Ben oui, parce qu'on est constructif, cohérent. Mais pourquoi? Pertinent. Pourquoi tout vérifier? Je veux dire, les gens ont des doctorats, ils sont capables. Parce que vous l'avez pas encore, vous, je dis ça comme ça. Mais. Les merci gens... de me le rappeler. Ben non, mais je dis ça, ben non, vous n'avez pas le temps de faire ça. Non, j'ai pas vraiment le temps. Mais ceux qui en ont des doctorats sont capables de gérer ça, des universités. Pourquoi vous pensez que vous êtes capable de gérer mieux les universités que ces gens-là? Ben en fait, on dit pas, ben Je sais pas si on peut dire qu'on pourrait mieux les gérer. Mais je pense que c'est ce que vous dites. Mais ça pourrait être chauvin de dire ça. Fait que je vais revenir en disant ce qu'on veut, nous, on c'est va que ça soit. Ce bout-là, puis, c'est correct. Va... Non, vous pourrez le prendre. Ouais. Il y a quand même plein d'experts qui sont là, qui sont capables de regarder le système universitaire. Puis ce qu'on dit, c'est arrêtez donc de vous chicaner pour avoir plus d'étudiants de l'autre côté de la rivière. Parce que, tu sais, si on parle par exemple du campus de Longueuil. Ouais. De Sherbrooke à Longueuil. De l'autre côté, vous avez l'UQAM, Concordia, McGill, l'Université de Montréal. Ouais. Là, on essaie d'attirer les étudiants de l'autre côté du pont. Ouais. Puis là, quand on regarde l'Université de Sherbrooke, par exemple, à Longueuil, de l'aveu même du vice-recteur, là, 60 % d'occupation. Ouais. Puis là, on nous dit, faites-vous-en pas, on a un programme à temps plein. Ouais. Et tout le reste, c'est à temps partiel. Okay, donc, si on fait des calculs rapides... Si on fait des calculs rapides... Parce que là, vous me perdez. Moi, si on fait des calculs rapides, c'est pas rentable. Parce que c'est facile à dire là, que 60 % d'occupation, c'est impossible que ça soit rentable, cette histoire-là. Oui, oui. Puis en plus, la grille de financement dit il faut que tu sois étudiant temps plein pour que ça soit ton plein financement. Fait que ça marche pas. Mais au final, là, j'ai pas écouté. Fait que finalement, est-ce que c'est bon ou non? Je me rappelle même plus. Non, mais nous autres, on veut revoir la grille de financement, on veut revoir le conseil des U, puis on pense qu'effectivement, ça prend quelqu'un d'autre qu'un recteur pour pouvoir le regarder. Ah ben, arrêtez donc. Oui. Mais il sert à quoi, le recteur? Mais c'est correct, ils peuvent gérer leur université, mais gérer l'ensemble du réseau, là, c'est beaucoup plus complexe. Ah oui, hein? Oui, puis on a besoin d'avoir des têtes qui vont regarder sans penser à combien moi d'étudiants je pourrais aller voler à l'autre de l'autre côté de la ville. Vous pensez qu'ils sont comme ça, crasse de même? Bien, quand je vois des publicités, par exemple, de l'Université de Montréal sur le banc du Canadien, il y a quand même une grosse pub quand Pacioretty est allé s'étaler de tout son long devant ça. Ben moi, je regardais. Ben moi, honnêtement, j'ai pensé retourner à l'école à cause de ça. Il n'y a pas beaucoup de diplômés chez Canadien, par exemple. Mais non, mais en plus, c'est juste. Une belle clientèle. À qui on fait affaire quand on met un élément là-dessus? Ben, à des gens qui écoutent le hockey, puis sont un peu chauds, puis ils disent à l'université, moi. Oui, c'est ça. Bon. C'est justement ce genre d'élément-là. C'est correct, non? Vous pensez pas que la publicité dans les universités, pour les universités, pour attirer des étudiants, c'est une bonne chose? Mais c'est correct. Mais je veux dire, je pense qu'il y a quand même publicité qui peut se faire justement pour attirer des étudiants. Ouais. Mais la meilleure publicité, c'est aussi les étudiants qui en sortent, qui en font la promotion, je pense. Vous restez avec nous? Ben oui, avec plaisir. On n'aura pas le lit stéréo, malheureusement. On aura je sais, je suis un peu déçu. Ben regarde, tout le monde est déçu. T'es prête, là? Mais non, moi aussi. Mais on va savoir MC Gilles qui espère... Ah. Oh, puis ça en va, l'MC. Oh, non, il va rester, il y a une bière, ça me rassure. Alors, vous restez avec nous. Je sais pas si vous avez écouté la nouvelle émission de VTL, Le Grand Saut, hein, qui a pris son envol cette semaine avec des semi-vedettes qui se pètent la tête un peu partout. Toutefois, il y a un autre grand saut qui était pas mal plus intéressant cette semaine à la télé. On écoute. Il a commencé l'entraînement en Italie avec Nick Rizzuto. Pour moi, c'est une belle de famille, c'est une bonne personne. Il nage comme un poisson dans l'eau. Bertha! Je peux pas m'en parler, je connais pas. Ça vaut dire quoi, la mafia? Il s'apprête maintenant à plonger comme un homme d'honneur, avec pas d'argent dans ses bas. Il peut pas y être en speedo. Pour moi, le monde est tout pareil. Moi, le monde, c'est fait de respect. Vous me respectez, je me respecte. Vous me maltraitez, je peux vous maltraiter de la même façon. Le grand saut, quand la sottise fait plouf! Tous les jours à la commission Charbonneau. S.O.T., c'est ça? Je sais pas. D'accord. C'est le moment tant attendu d'aller joindre notre reporter tout-terrain adoré. On a tenté de le joindre aujourd'hui sans succès et on sait pas de quoi il va parler. On sait même pas où il est. On sait même pas si on va être capable de le joindre. Alors, je lance un appel comme ça. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe! Comment allez-vous? Ben, ça va bien, mais vous êtes où? Ben moi, je suis dans un bar sur la Maine qui va se transformer en karaoké à 21h. Okay. Je veux vous dire que je suis un petit peu chaudasse. Hein. Je suis parti sur une balloune, mon bon Jean-Philippe. Okay. Je suis en train de payer des shooters à tout le monde. Et c'est pas tout. Je suis venu accompagné d'un buddy qui a accepté de le faire avec moi le party toute la nuit. Ah oui? Et oui, et qui dit party dit « Eh non, je parle pas d'Éric Lapointe. Non. Et non, je parle pas de France Castel, mais bien de Monsieur Jérémy Pédard-Vigne. » Qui? Monsieur Jérémy Bédard-Vigne! En fait, c'est le nouveau Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole de l'AC! Oui, je le replace là. Ben oui, on en parlait tout à l'heure, mais c'est juste qu'on oublie vite. Exactement. Ouais. Alors, il est à son 9e shooter. Bonjour, monsieur Bédard-Vigne, merci beaucoup d'être avec nous! Hey, yes! En fait, on s'entend. C'est un petit peu une blague que je fais. Je dis que vous êtes un gars de party parce qu'on le sait, hein, vous incarnez pas forcément aux yeux de la population le gros fond noir. Et justement, pour vous permettre de vous décoincer un peu et d'avoir du plaisir dans la vie, je vous ai invité ici. Et d'ailleurs, c'est ma première question. Monsieur Bédard-Vigne, est-ce que vous avez déjà eu ça, vous, dans la vie, du fun? Écoute, JS, je peux taper JS, là. Absolument, absolument. Le 9e shooter, là, je vais me décontracter un petit peu. Écoute, JS, quand j'étais au secondaire, j'étais vraiment un party animal. Chaque soir, je sortais, puis j'ai tout essayé, là, je vais pas trop en dire, pour les radios poubelles, on sait pas s'ils écoutent en ce moment. Puis, écoute, ma soirée de bal, je vais pas t'en parler, là. Il faut quand même se garder une petite gêne, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Écoute, JS, toi, tu connais pas ce phénomène-là, là, mais j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ce n'est pas arrivé à Gabriel Nadeau. Non, non, Gabriel Nadeau, il a une belle tête pleine de cheveux, c'est malade. Puis à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'avoir du fun. Les idées noires ont pris le contrôle. Puis en fait, la grève m'a épuisé. Alors, j'ai eu du fun, par contre, à deux reprises là, pendant la grève. D'abord, il y a eu la fois où j'ai vu la vidéo de Star Wars de Gabriel Nadeau-Dubois. C'était vraiment malade. Puis il y a aussi eu la dernière fois, la semaine dernière, en fait, quand j'ai rencontré la première ministre. Ah oui? Quand elle nous a expliqué le concept de gel indexé. Ça, c'était vraiment hilarant. On a eu bien du fun. On a parlé toute la soirée après la bière. Ben, écoutez, vous êtes mourant, d'autant que je pensais qu'on n'aurait pas beaucoup de fun, parce qu'a priori, je vous avais invité, on va se le dire, aux danseuses, mais vous avez refusé l'offre. Pourquoi exactement? La CIE est une organisation féministe. Je préfère ne pas rentrer dans les débats qui auraient lieu si j'acceptais de te rencontrer dans un bar de danseuses. Oui, mais en même temps, vous n'êtes pas un peu plus catholique que le pape, je veux dire. Est-ce que vous avez besoin de demander le quorum à l'association avant d'avoir une érection? J'ai pas tout à fait compris le concept du quorum, JS, mais je vais pas rentrer là-dedans. Là. Ça va être un peu trop technique pour nos auditeurs. Ouais, j'aurais besoin d'un mandat. Écoute, tu pourras peut-être venir au prochain congrès, puis tu pourras présenter là, ton bar. Ben, j'accepte l'invitation. On a ton pain, du fun. Merci beaucoup, M. Bédarvin. Alors, on va faire un petit peu de journalisme sérieux un peu plus tard. Dans quelques minutes, on va jaser du sommet. Mais pour l'instant, c'est shoot! Jean-Philippe, à tout de suite! Merci, Jean-Sébastien. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui ne gagnera jamais d'Oscar, comme Patrick Huard. Encore gratuit. De mauvais goût. Ben oui, ben oui. Eh ben c'est le moment que les femmes attendent toutes. Fred Savard. Ah, belle présentation. Merci. Oui, vous savez comment mon sens aigu d'analyse me permet d'être à l'affût des tendances et des mouvements sociaux qui secouent notre belle province. C'est connu, les gens n'ont de cesse de me le répéter lorsqu'ils me croisent dans les lieux publics, souvent pour me parler, mais surtout pour me toucher afin de s'approprier une parcelle de ma préscience. Ouais. Et encore une fois cette semaine, un éclair de lucidité m'a foudroyé. Ah ben. Et encore une fois, c'est au sortir de la douche que cet éclair est apparu, alors que j'essorais tendrement certaines de mes chères flasques en écoutant ma radio publique, on vieillit tous, où on y entendait le chanteur Garou nous présenter son nouvel album contenant des reprises de classiques du Rhythm and Blues que j'ai compris. Il n'y a pas que du négatif, c'est vrai, hein, ce que Garou revienne à ses premières amours, lui qui chantait le Rhythm and Blues dans les bars alors qu'il était encore inconnu, puisqu'il pourra enfin écouter un de ses albums sans avoir la nausée. Mais Garou n'est que la pointe de l'asperge de notre recul collectif, parce que oui, nous reculons dans le temps, mes pauvres amis. Prenons par exemple ces fonctionnaires fédéraux qui se rendent maintenant directement chez les prestataires d'assurance emploi afin qu'officiellement, hein, les convient à une entrevue, alors qu'on sait très bien que cette manœuvre ne vise qu'à les harceler pour qu'ils déménagent en Alberta et deviennent les esclaves des grands propriétaires de plantations de pétrole. Eh bien, cette pratique nous fait reculer au début des années 80. Rappelez-vous, le Québec de cette époque dansait comme des canards qui, en sortant de la mare, se brassaient le bas des reins en faisant coin-coin. Le bye-bye s'appelait Bonne année Roger. Et le meilleur joueur du Canadien s'appelait Bobby Smith. C'est à cette époque que le gouvernement de Robert Bourassa envoyait lui aussi les fonctionnaires vérifier si les assistés sociaux mangeaient autre chose que du chef Boyardi. On les appelait les Boubou Macoute, en référence aux tontons Macoute haïtiens qui ne mangeaient pas de chef Boyardi, mais plutôt leur prochain. Et la commission Charbonneau? La commission Charbonneau n'est-elle pas une autre preuve que nous reculons cette fois-ci dans les années 70, où se tenait la SECO, alors que les mêmes mafieux italiens et les mêmes politiciens véreux avouaient les mêmes pratiques frauduleuses devant les mêmes téléspectateurs amorphes que nous sommes. Et que dire du retour d'une pratique que nous croyions révolue? C'est-à-dire ce phénomène qu'on peut observer sur Twitter, où les téléspectateurs interpellent les personnages de séries télévisées comme s'ils existaient réellement. Voilà un autre recul qui nous ramène au tout début de la télévision, alors que les bureaux de Radio-Canada étaient inondés de sacs de provisions à l'intention de Donalda, cette bougresse qui vivait sous le joug de Séraphin Poudrier dans les belles histoires des pays d'en haut. Les gens étaient persuadés que Donalda existait vraiment, un peu comme aujourd'hui, alors que des gens pensent que les personnages d'Unité 9 existent vraiment. D'ailleurs, il paraît que même les bureaux de Radio-Canada sont de nouveau inondés de cadeaux de téléspectateurs, principalement des gars de Miché destinés aux personnages de Shandy. Vous en voulez un autre signe qui ne m'en passe dans notre recul collectif toute cette frénésie entourant la démission du pape qui nous ramène dans les années 40 alors que l'espace médiatique était lui aussi occupé par les potins au sujet d'une bande de monsieur habillés en robe et qui se brassent le bas des reins en faisant coin-coin, mais avec un serin. Une autre ultime preuve de notre régression collective, eh bien, cette arrivée massive de Français fuyant la mère patrie à la recherche d'une vie meilleure, exactement comme au début de la Nouvelle-France. Avant, le phénomène était amusant, hein, puisqu'il était circonscrit à la réserve faunique du plateau Mont-Royal. Mais il paraît qu'ils arrivent en si grand nombre qu'ils vont bientôt déborder le plateau et s'étendre dans d'autres quartiers, ah, et ils essaimeront tout le Québec. Mais des Français qui quittent la France ne la quittent vraiment jamais. Car le Français ne perd jamais le souvenir qu'il a déjà été un colonisateur à une époque où la France est encore une grande nation et garde donc cette supériorité et cette condescendance qui font son charme quand on le visite une semaine à Paris, mais qui est franchement désagréable quand il vient habiter nos contrées. Parce que ces gens-là ne se mélangent pas. Ils exigent d'être payés une fois par mois. Ils exigent de profiter des congés fériés de France et d'ici, ce qui totalise 456 congés fériés par année. Ils ne copulent qu'entre eux et envoient ensuite leurs enfants au collège Stanislas. Dans leur temps libre, ils ne regardent que des matchs de foot au Barouf. Exactement, exactement comme au début de la colonie. Certains diront qu'il y a peut-être de l'espoir, car si on retourne dans nos livres d'histoire, on sait très bien qu'ils ne restent jamais bien longtemps. Mais j'ose espérer que cette fois-ci, ils resteront parmi nous pour qu'enfin, on puisse tous ensemble reculer par en avant. Et j'aimerais dédier cette chronique à une de mes plus grandes fans, Denise Bombardier. C'est vrai qu'on l'aime, on est tombé en amour avec la semaine passée. Ah oui. Vraiment? Ben oui, mais je sais. C'est même pas du sarcasme. Ben je sais bien. Ouais. Mais c'est rare chez vous en plus. Alors, on va retourner jaser avec Jean-Sébastien. On a très hâte. Il doit être bien chaud. Chaud raide. Jean-Philippe, on est toujours dans un bar avec le nouveau Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. Avez-vous ben du fun, M. Bédarvin? Ben du fun. Mon Dieu qu'on a du fun, j'ai jamais eu de fun comme ça, mais c'est pas tout. C'est pas parce qu'on est sous qu'on peut pas parler de choses sérieuses. Parlons de lacets. Ça a burn que ça va pas bien. Les cégeps sont en train de vous lâcher. Il y en a 5 qui ont dit non à la grève. Il y en a même un qui veut se désaffilier de votre association. C'est quoi le problème, Jérémy? Parce que pourtant, vous êtes rassembleur, votre message réaliste passe bien, vous faites montre d'une bonne volonté, d'une ouverture, la population est plus que jamais derrière vous. C'est-tu les étudiants qui sont mongols, coudonc? Moi, je vois aucun problème, Jess. Là. Malgré les médias, l'image négative que dépeint les médias de notre grève pour le 26, là, les choses vont assez bien quand même. On est rendu à 30 000 en grève pour le 26. Il y a 40 000 qui vont voter dans les prochains jours. Bon, excellent. Est-ce que tu veux un autre shooter? Bon, excellent. Mais il y a quand même une chose qui nous a fait peur cette semaine. Il y a une petite vidéo de toi qui circule où on t'entend dire que votre relation avec le gouvernement doit être forcément une relation de confrontation. On a trouvé ça cute ici au bureau, mais on s'est dit, pauvre petit loup, vous êtes un adulte. Vous pensez pas que c'est fini de jouer au révolutionnaire avec vos amis? Là, je crois qu'on va pouvoir chanter l'international tout à l'heure. Là. On est dans un bord de karaoké pareil. Mais écoute... Les vidéos, plusieurs contextes, une soirée en Angleterre il y a 6 mois, je n'ai pas commencé à donner trop de légitimité à ça. Moi, je suis porte-parole de l'association, puis je représente la volonté des étudiants et étudiantes. Ben, t'as bien raison, mon bon Jérémy. Alors, je nous commande d'autres shooters, et dans quelques minutes, on va chanter parce que le karaoké vient de revenir. Est-ce que vous avez du fun, Jérémy? C'est malade, il faut qu'on fasse ça plus souvent. À cette semaine, on vous revient tantôt avec des shooters! Jean-Philippe, à tout de suite! Merci, Jean-Sébastien, merci. Maintenant, on va le perdre pour vrai. Hein. Ouais. Fred, notre deuxième invité. Cet anthropologue de la musique de mauvais goût est également un chroniqueur chevronné à l'émission Infoman, mais surtout, il n'hésite jamais à lever le pied quand vient le temps d'accepter une entrevue de dernière minute. Accueillons MCJ! UDA! UDA! UDA! Yes! Ah, ben hey! Un chèque! Un chèque! C'était carré, hein? C'est malade! Parce qu'on paye. Non, mais c'est vrai, on paye pas nos politiciens. C'est Guilla avec des cheveux? Moi, oui, comment oui, ça oui. va? Ça va super bien! Yes. Hey, j'allais t'offrir une bière, t'en as déjà une. Yes. Et puis là, on va immédiatement transférer en mode vouvoie. On avait extrêmement hâte à cette entrevue-là. C'est vrai, hein? Des semaines et des semaines de ouais. préparation. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais je voulais, parce que c'est Mme Thériault qui devait être là. Ben oui, je voulais jouer le rôle de Mme Thériault. Ah, ben on en a, il n'y a pas de problème. On a des questions pour Mme Thériault. Je peux quand même répondre à Mme Thériault, que j'aime beaucoup. Vous avez tenu tête au syndicat pas mal pendant la dernière année, vous? Oui! Ah, OK. Ben, les gens rient, on va y aller avec une deuxième question. C'est très bon. OK. Vous êtes à la tête de la campagne de Raymond Bachand. Oui! C'est assez crédible. Oui, c'est très bon. Sauf qu'on va sûrement le recevoir bientôt, fait que je voudrais pas brûler toutes mes pommes. Ah, pour vrai? Ouais, c'est un ancien piquiste. Qui? Ben, Raymond Bachand. Oui. Ah non, c'est beau, c'est correct. On peut sortir du personnage. Ok, c'est correct. Excuse-moi. Ok, parfait. Good. Ok, ça, je l'avais très bien. Ouais, ouais, non, c'était pas mauvais. Comme à la semaine prochaine. Bon, ok, on va passer à d'autres choses. Non, mais on a remarqué, parce que, je veux dire, j'ai lu rapidement sur vous. On vous connaît parce que vous vous appelez MC Gilles, vous avez l'air un peu bizarre, vous êtes habillé en country. Ben, pas là, mais oui, d'habitude. Ben là, c'est country un peu, ça. Et, à la radio, c'est country. Oh, ouais, c'est ça. Mais je vois que vous êtes titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques. C'est vrai. Et ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est encore drôle et je suis très fier d'ailleurs d'être assis à côté de Mademoiselle Desjardins. On oui. dit Mademoiselle. Oui, ou on dit oui. Mademoiselle. C'est correct. Ouais. Donc, parce que je suis un exemple d'accessibilité à l'époque où ça coûtait pas cher à l'université. Ah, ouais, c'est vrai. Ben, en 55, oui, c'est moi, 56. J'ai pu y aller. Ouais. Oui, en 37-38. Ouais, ça ouvrait. Avant la Grande Guerre. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ce que vous dites sur l'accessibilité? Ben, c'est important d'étudier. Puis ben les oui, gens, ils comprennent pas. Ils pensent qu'étudier en Sciences Po, ça tu deviens politicien. Mais pas pantoute, là. Tu veux devenir un arbre, t'étudies pas en foresterie. Puis si tu veux devenir un microbe, t'étudies pas en microbiologie. Ouais. Donc, moi, je voulais analyser la politique. Puis le travail que j'ai aujourd'hui, ouais. pas seulement Infoman, s'il y a-tu d'autres choses de plus grand qu'analyser la politique? Vous avez tout à fait raison. C'est certainement! Bon, mais là, vous, là, est-ce que vous portiez le carré rouge l'année dernière? Je vous pose la question. Non, car je dois demeurer neutre. Nous ne sommes pas des journalistes, mais on doit demeurer neutre. Par contre, ouais. mon chien Soucis... oui, qui s'appelle comment déjà? Pavlov. Pavlov, oui. Lui a porté fièrement le carré rouge. Et c'était son choix. Donc, et moi... le chien travaille pas à Radio-Canada, si non, je comprends non, bien. Non, ouais, non, okay. Je l'ai laissé libre. Et d'ailleurs, il a organisé une manifestation de plus de 50 chiens Soucis dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est vrai? Ce qui a créé des remous. Parce que, croyez-le ou non, et là, ce ne sont pas des blagues. Ce sont okay, des blagues. Okay. C'est un des seuls virales que j'ai réussi à faire dans ma vie. J'ai écrit une lettre au SPVM où Pavlov avisait la police de Montréal qu'il y aurait plus que 50 chiens Soucis qui allaient aller manifester. Et... oui, c'était un gag. Bon, c'était un clin d'œil à la loi 78-12, whatever. Là, on l'appelait comme on l'appelait. Et puis, je vais aller voir d'un coup que ça aurait pogné cette histoire-là. Et là, ouais. surprise, ouais. la police nous y attendait. Pour vrai? D'un coup que un chien Soucis, c'est sournois. On sait pas. Et ça devient toujours violent un peu plus vite qu'on pense. Ben, hey, je sais. Oh! C'est le maître chien était là? Non, mais Richie n'était pas là. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Pavlov, mon chien Soucis, de dénoncer la violence du plus fort de mes forces. Et il a toujours refusé. Ce qui est inacceptable, il portait le carré rouge. Ben, ah, pas de surprise, là. Ben non, il n'y a pas de surprise, là. C'est comme un genre de Gabriel Nadeau-Dubois du chien, lui. De la saucisse. De la saucisse. D'accord. Là, en ce moment, ce qui est bien tannant, parce qu'on va se le dire, à la soirée, t'es encore jeune... On parle de la semaine, on parle de l'actualité et la commission Charbonneau est vraiment une de nos émissions favorites. Malheureusement, chez Infoman aussi. Oui. Et ça nous arrive souvent qu'on se croise. Hein? Sur les réseaux sociaux, on se compétitionne. Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Et mais quand on pense à ça, là, pour vous autres, là, oui. est-ce que vous avez hâte que ça se termine ou c'est le genre de show qui fait vivre une émission pendant des années? Ça? Je vais parler pour notre réalisateur-animateur qu'on ouais. appellera Jean-René pour l'occasion. Jean-René, oui. Comme ça pacte un 5-10 minutes de show 22, on est assez contents. Je peux comprendre. Oui, mais là, on a vu aujourd'hui, entre autres, il y a des gens qui commencent à faire des montages à d'autres postes de télévision aussi. Fait yeah. que, ça, c'est ça. Moins c'est fun. Autres, oui. Nous, on vous respecte, on fait pas ce genre de choses-là. C'est gentil. Mais la radio, c'est moins... on a eu un tantôt. C'est bien aussi. Non, c'est bien aussi. Dit-il avec mépris. Dit-il en prenant une gorgée de la bière gratis qui s'est fait offrir par la dite émission. Ouais, ça. Ah, elle, c'est le 26 février qu'elle passe date. Dépêchez-vous. On va parler... Excellent. Non, mais on vous reçoit, là, puis on vous donne un cachet. On va tout même vous parler de vous un peu. Ben oui. Vous méritez oublier. Oh, vous méritez ça. Je suis pas très intéressant. Ah non, non, c'est pas vrai. Non, non, je lisais. Je suis pas très intéressant. J'ai un personnage. Ouais. Bon, d'ailleurs, mon chien a volé le show il y a 5 minutes. Ça prouve. Ben, non, ça m'arrive souvent aussi. Il y a pas mais de problème. Je me cache beaucoup derrière ce personnage-là. C'est ça, parce que MC Gilles, là, oui. moi-même, que je vous connais personnellement. C'est vrai. Et je vous appelle MC. Hein? C'est vrai. Je vous appelle pas de votre vrai nom. Non. Stevie Wonder. Ça, c'est spécial. Personne ne sait ça. Très hein. laid. Oui, très, très laid. Non, mais est-ce qu'on. Est-ce que ça ne devient pas lourd à porter à un moment donné, MC Gilles? Non, c'est exactement le contraire. Et la question que vous auriez pu me poser, qui aurait été grandiose, là, c'est que... vous auriez surpris, on est capable de monter, de beaucoup de montage. Ah, c'est capable de beaucoup de choses, oui, je sais bien. C'est que moi, je travaille dans l'authenticité, c'est-à-dire que j'aime tout ce qui est vrai, ben oui, non pas ben ce oui, qui est fait, faux. Ben oui. Et puis, alors que moi, je suis derrière un personnage, t'es donc un, qui est oui, faux. Faux de chez faux. Quelle est la réponse à cette énigme ben grandiose? Pas, ouais, ouais. C'est que le personnage est encore plus vrai que moi, c'est-à-dire que le personnage assume des choses que j'assumerais jamais. Vous dire, par exemple, à la radio que j'aime écouter Mylène Farmer dans le Prélard chez nous, jamais le vrai moi aurait pu vous dire ça. Mais ça arrive pour vrai. Mais le personnage peut vous le dire, parce que ça dérange pas que MCG l'écoute, elle me donne fermer très fort chez lui. Donc, ça m'a permis d'être plus libre. Ah, ça vous a libéré de quelque chose. À la maison. Hein, comment? Je suis pas touchant, j'ai un peu le moton. Vous avez, vous l'avez. Mais oui, il y a quelque chose. Donc, à la maison, si vous voulez vous partir un autre personnage ou un nom quelconque, ben, ouais, vous allez pouvoir être un peu plus libre. D'ailleurs, Mademoiselle Desjardins, après, je m'excuse, j'ai dû prendre un nom d'artiste. Après le 30 MC... avril, je vais me cacher derrière mon nom. Oui, d'artiste. MC Desjardins ou Complexe Desjardins. Ça, c'est déjà pris. Ah! Ouais, c'est moins glamour un peu. C'est ça. Ben, hey, mais ça, est-ce que ça a été intéressant ou ça n'a pas été intéressant? Je ne le sais pas. Ben, Listerio n'a qu'à bien se tenir la prochaine fois qu'elle viendra. Mais... Oui! Merci, Lise. Merci, MC. Ça fait plaisir. Vous restez avec nous, hein? Je vais essayer. Ben, là, Mademoiselle Desjardins est là. Ah, ben, c'est ça. Restez là. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Il est trop. Si l'écoute de la radio Jambon était une formation universitaire, il serait déjà au post-doctorat, lui. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Ouch! Ouch! C'est-tu le monsieur du pornographe, ça? Ça, c'est le monsieur du pornographe! Ah! Olivier, quoi de neuf cette semaine? Oui, beaucoup de grogne à Québec cette semaine, alors que le maire Labeaume décidait d'augmenter les taxes des commerçants de la ville juste avant de décider de ne pas les augmenter tant que ça, finalement. Entre les deux, Jeff Filion a eu le temps de se fâcher contre les Dominique Moret, Denis Gravel, Jérôme Landry et Gilles Parent, qui sont à la fois payés par Québécois pour écrire dans le Journal de Québec et financés par les commerçants qui font de la pub sur leur radio populiste. Est-ce que ces gens-là, les gens de radio qui ont des commentaires à faire puis des textes importants à écrire vont défendre les gens qui paient leur salaire? Ces gens-là actuellement sont violés par un clotaire rapaille de la politique québécoise, ont été achetés par un colisée qu'on va donner à leur patron pour pas cher. Donc, c'est acquis, les chroniqueurs sont les pantins des entreprises qui les paient. Le débat, c'est maintenant plutôt savoir laquelle des mains qui les nourrit paiera assez cher pour leur pogner le derrière. Une question qui n'inquiète pas Jeff Filion, puisque son allégeance va clairement aux 32 internautes qui sont abonnés à sa radio pirate. Un autre débat qui n'a pas fait du tout jaser cette semaine, c'est celui évoqué par Rénald Duberger, cet expert en tremblement de terre qui pratique la négation des changements climatiques dans ses temps libres. Ce qu'on ne savait pas toutefois, c'est qu'il pratique aussi la négation de l'athéisme. L'athée, lui, de sa hauteur d'athée, il affirme, je sais et j'affirme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie après la mort, puis je n'ai pas besoin de ça. Mm. Moi, je ne le sais pas. C'est beaucoup plus modeste et beaucoup plus humble que la position. Donc, un athée, à mon avis, ça ne devrait pas exister. Voilà. Ah ouais. Il faut respecter toutes les croyances, ouais, sauf celles des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Ben oui. D'autre part, suite à la descente de l'UPAC à l'Hôtel de Ville de Montréal, Jean Lapierre nous expliquait pourquoi ça se peut quasiment pas qu'Union Montréal ait reçu de l'argent sale pour financer sa campagne. Une source très sûre me dit que pour la campagne de 2010, Union Montréal a dû emprunter 800 000 $. Ah. Donc, si l'argent rentre à pleine porte, pourquoi est-ce que tu irais à la banque emprunter 800 000 $ pour faire ta campagne? Bon, la réponse est facile. Pour faire bien paraître un gars comme Gérald Tremblay, ça coûte cher en motadine. Mais, de toute façon, même si Jean Lapierre est la référence en matière de rumeurs de corridors et que sa carrière est basée sur les sources anonymes qu'il cultive, il faut prendre tout ça avec précaution. Parce que, comme le dit un grand sage... Moi, j'haïs beaucoup les sources anonymes, là. Donc, la prochaine fois que Jean Lapierre cite une source anonyme, souvenez-vous des paroles de Jean Lapierre. On apprenait d'autre part cette semaine que Pierre Duchesne est un récidiviste de l'alcool au volant. Mmh. Un fait rarissime, puisque comme on le sait, les péquistes sont des drogués, pas des ivrognes. Ouais. Stéphane Gendron. Il y a certains partis qui ont des marques de commerce. Il y en a, c'est plus une bande d'alcooliques. Hein? Parti libéral, l'alcool, c'est plus leur marque de commerce. Tandis que le PQ, c'est la drogue. Bon. OK. C'est pas juste moi clair. Là, tu veux dire, PQ, souvent, on est sur la dope. Puis les libéraux, ben, c'est des parties bien arrosées. D'ailleurs, on avait prévu beaucoup de bière pour l'Hystéria, alors merci MC de sacrifier. Oui, oui, oui. Donc, les péquistes sont drogués, les libéraux sont sous l'on, ça va de soi, mais les caquistes, eux, ben les caquistes, c'est des guidounes, comme François Legault l'a démontré en s'associant avec Amir Kadir aux grandes dames des commentateurs de droite comme Éric Duhem. Que François Legault manque de jugement au point d'aller se foutre à côté d'Amir Kadir dans une conférence de presse pour essayer de jouer les alliés politiques de la gauche fanatique, là, il y a des maudites limites. Un caquiste et un ultra-gauchiste, main dans la main à la télévision pour une cause commune, c'est inadmissible. Sauf une fois au chalet de Richard Martineau en 2011. Si vous avez un enregistreur illico, mettez-le tout de suite en fonction. Au cours des prochaines minutes, on va vivre des moments historiques. Vous allez pouvoir en parler aux générations futures. Amir Kadir et Éric Duhaime, d'accord. Incroyable. Incroyable. Pas sûr que Richard Martineau pensait que les générations futures allaient arriver si vite. Hein. Mais c'est lui. Eh bien, comme on vient d'entendre, il s'en est passé des affaires cette semaine, puis on s'est dit que ce serait le temps d'écouter l'opinion de Kevan Gosselin, notre animateur de Radio X Jazz. On l'écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. De retour à l'émission des airs d'Ariens, Kevan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à, mon Dieu, jusqu'à lundi matin. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour me demander de vous recommuniquer les informations sur la vigile qu'organise le Radio X Jazz afin de supporter Stéphanie Trudeau, celle qu'on surnomme Matricule 728. Alors, un autobus partira de la station ici au cœur du plateau Mont-Royal samedi prochain dès 10h pour se rendre à Sherbrooke où Mme Trudeau est incarcérée dans l'aile psychiatrique du CHUS. Incarcérée, oui, le mot est faible puisqu'il est tout à fait scandaleux qu'on tente de faire passer pour folle une magnifique jeune femme qui n'a tenté que de faire son travail de policière, un travail difficile comme on le voit chaque semaine dans la série 19-2, une série documentaire trop coûteuse mais quand même criante de vérité. Stéphanie Trudeau, nous te souhaitons bonne chance dans ton combat contre la rectitude politique, toi qui es la Babe Ruth de la force constabulaire, car comme lui, tu aimais tant t'exprimer avec ton bâton. Je lui dédie la prochaine chanson de Bill Evans, une pièce intitulée You Go To My Head sur les ondes de Radio X Jazz de 91, blanc. C'est curieux comme il a la même voix que vous, Fred. Oui! C'est fou, hein? Ouais, mais il y a une meilleure diction. Ah, c'est un addon. On va aller trouver Jean-Sébastien immédiatement. Jean-Philippe! Oui, oui. Je suis toujours dans un bar de karaoké avec Jérémy, Bédard, Vin, et on a du fun en tabaslac. C'est vrai qu'on a du fun, hein, Jérémy? On est rendu à l'absinthe. L'absinthe! Jérémy? Jérémy, regarde. Tu sais qu'il y a dans le fond? Mon Dieu, mais c'est... C'est Gabriel Nadeau-Dubois, dans le fond. Gabriel! Gabriel, comment tu es t'asseoir avec nous autres chez mon maudit voyage, Jean-Philippe? Gabriel, qui est tout seul ici dans le bar. Gabriel, comment ça va, mon grand? Ça va très bien, Jean-Sébastien. Tu parles d'une belle surprise. Bon, on est bien content de te voir. Hey, tu sais qu'on te trouvait radical l'année dernière. Les choses changent, hein? Ben, écoute, je voudrais pas faire ma belle-mère péquiste, là. Je commenterai pas trop ce qui se passe actuellement, mais c'est sûr que c'est une situation pas facile pour le mouvement étudiant en général, là. C'est difficile. Est-ce que, regarde, j'ai un ami avec moi. Il s'appelle Jérémy. Tu le connais-tu? Oui, je connais bien Jérémy. Il est intense, hein? Écoute, en ce moment, Jérémy est dans une situation qui est vraiment pas facile, hein, avec une organisation qui est très divisée sur la question. Tu fais ça, shooter? Oui, je pense que t'en as eu assez, Mais continue, tu parlais, là. Ouais, ben, oui, je disais que c'est pas facile en ce moment, hein? Parce que d'un côté, on... je pense qu'il y avait une volonté de dialogue, mais en même temps, de l'autre côté, du côté du gouvernement, ça va l'air très difficile avec les associations étudiantes. OK, merci. Puis toi, Jérémy, est-ce que t'es un peu jaloux de Gabriel? Je veux dire, il a l'air plus populaire, il y a plus de fans. Xavier Dolan veut lui pogner la Zouille. T'es-tu jaloux? Mais j'ai récupéré son téléphone cellulaire. C'est que j'ai encore le numéro de Xavier Dolan. Il n'y a pas de problème avec ça. Les cheveux, puis ses chemises sont un peu plus... un peu moins straight que les miennes. Funky? Ah, plus funky, c'est clair. Mais écoute, je pense que... Mais t'es funky quand même un peu, je trouve. Ah ben, je fais un spécial pour toi ce soir. Hein. Merci. Il y a une chose que je fais mieux que Gab, par contre. Écoute, j'ai toujours voulu faire ça à la première chaîne. Là. Écoute bien ça. Jérémy Bédard-Vigne, du Canada, Tombouctou. Non, c'est pas du tout bon ça. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Philippe. Venez nous retrouver, on va faire un karaoké. Puis c'est chou, Jean-Philippe. Merci, Jean-Sébastien. Merci. Oh, il va se faire mettre dehors, lui, maintenant. Ah, je pense que oui. Ben oui, notre prochain chroniqueur. Grâce à son regard unique sur l'actualité insolite, elle l'ennoblit et la rend presque aussi pertinente que la lecture du devoir. Voici le billet de Léa Strelitzky. J'aime ça passer après Jean-Sébastien. Ouais. Fait que j'espère que vous êtes drôle. Ouais. J'adorais. Ben écoute, moi je suis tellement drôle là, c'est moi le bouche-trou d'M. Gilles. T'es rendu là. Ça sent, c'est long, ça se travaille. Je suis rendu big. Fait que les nouvelles insolites, Léa. Ben oui, la première. Premièrement, on a appris que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il va renoncer à sa livraison de crème glacée, Jean-Philippe. Arrêtez-moi Ouais, ça fait partie d'une série de restrictions budgétaires promises à Israël. Ben, de la crème à glace, c'est de la crème à glace. Mais je trouve ça cute. J'aime ça quand les hommes politiques ont des prises de conscience. Ouais. Et le peuple roche, je me prive de dessert. C'est tout. Je trouve ça touchant. Parlant de ce qui est cute, il y a des lapins qui mangent des chars à Denver. MC est très intéressé par ça. Alors, en fait, MC, pour tout te dire, il grignote les fils électriques des voitures qui sont stationnés à l'aéroport international. En même temps, je voudrais juste rappeler que dans le combat auto versus nature, c'est rendu à peu près à 1 milliard pour les autos et 1 pour la nature. Donc, quand bien même il y aurait un lapin qui mangerait au complet ta Yaris, je pense que je m'en sacre. C'est pas une Yaris que m'excuse. J'ai. En tout cas, je dis. Mais je parlais pas de toi, c'était une marque d'auto générique. Ah, OK. Jean-Philippe, merci de m'aider. OK, oui, continuez. Nouvelle numéro 3, il y a 68 pitons qui ont été tués en Floride dans le parc des Everglades. Des serpents, vous voulez dire, là. Oui, c'est okay. ça. Non, non des pitons d'ascenseur. Non, mais ça aurait pu. Des pitons d'ascenseur. Le monde est fou. P-Y-T-H-O-N. Ouais. Là. OK. Ben oui, on les tue pour protéger un écosystème que, de toute façon, ta Yaris va détruire. Je veux juste te le rappeler. Je ne chauffe pas une Yaris. Caline, on va pas y arriver. Okay. Mais j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet parce que j'ai lu l'article en diagonale parce que les serpents morts, c'est comme 19-2. Je trouve ça trop dégueulasse. Éditorial. Les serpents, c'est épisode 6, je pense. Je sais pas. On m'a parlé des bébés morts. Là. Moi, je me suis arrêtée là. Qu'as-tu continué? En terminant, grosse nouvelle dans le monde fascinant des nouvelles insolites cette semaine. Oui. On a enfin appris pourquoi, quand tu pètes dans un avion, ça ne sent rien. Pour vrai? Là, faites pas semblant que vous ne savez pas de quoi je parle. Ne me laissez pas dans ma solitude. Ça m'est arrivé de... Déconseillé de se retenir en avion parce que la pression aérienne entraîne une production accrue de gaz digestif. Je suis assez contente d'en parler. Et que les médecins disent que la concentration nécessaire pour se retenir peut même être un facteur de stress important. Ah. Mais c'est vrai que c'est stressant, hein? Oui. Ben, je pense qu'on se souvient tous de nos débuts de relations, hein? Oui. Vous voulez dire... Les gens qui disent qu'au début, les relations, c'est mieux, vous en oubliez des bouts, là. C'est pas des papillons que t'avais dans le ventre, ma grande. C'était 3 mois de gaz intestinaux. Et pour... Le bon social. Ben, je sais. Mais j'arrive à la fin, je relève le niveau. T'sais, faut comme... C'est souvent les bouts qu'on coupe, de toute façon, allez-y. Mais bon, pour ce qui est de mon vrai sujet, là, l'odeur, pour y revenir, faudrait sûrement pas l'oublier. Oui. Figurez-vous que les sièges en classe économique sont généralement recouverts d'un tissu qui peut absorber jusqu'à 50% des gaz, comme les chaises de l'émission, d'ailleurs. C'est pour ça que ça se passe bien. Ce n'est toutefois pas le cas des sièges de cuir qui sont en première classe. Ah, donc, sais-tu ce que ça veut dire, ça, Jean-Philippe? Non. Ça veut dire qu'on vient de trouver quelque chose dans le monde qui est mieux pour les pauvres que pour les riches. Yeah! Merci, Léa! Non, attends, c'est ça, là. Monsieur Netanyahou, gardez-les, vos crèmes glacées, là. Nous, on a nos sièges anti-flatulence. Ça va bien aller. C'était mon message de la semaine. Merci, Léa, merci. Eh bien, c'est déjà tout. On vous invite à rester. Quand je pense au divan, je suis dégoûté. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret. Plus on est flou, plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part animée par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe. Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et Marie-Hélène Vautier. Un gros, gros merci à nos invités de ce soir. MC Gilles, merci d'avoir remplacé à pied levé les stéréos. De rien! on vous écoute au 98.5 à Paul Arcand le vendredi à Infoman et à Va chercher le fusil à CISM. Merci beaucoup à Martine Desjardins. Et bonne chance pour votre sommet. Hein. Vous direz bonjour à Pierre Duchesne. Notre sommet, oui. Oui. Puis on vous voit au PQ. Une grosse journée et demie. Merci. Et quant à nous, si vous voulez réécouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web et assister à l'émission la semaine prochaine, 17h, c'est jeudi. Nos invités, Louise Latraverse et Jean-Marc Fournier, si tout va bien. Stand by. Ou peut-être MC Gilles, tout le monde. C'est ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.